Et si demain je te disais de tout quitter pour moi? Tu es ma vie et je n'ai rien d'autre à quitter. Et si demain je m'en allais n'importe où devant moi? Je te suivrai, je crois, je te suivrai. Et si demain je n'étais plus le même qu'aujourd'hui? Alors je changerai aussi. Et si demain je te disais que je ne t'aime plus? Je t'aimerai plus, je t'aimerai plus que jamais. Si demain le temps se lit dans un pli de mes yeux, j'embrasserai tes yeux pour effacer le temps. Si demain je porte en moi le souffle d'un enfant, on vivra plus longtemps, nous deux. J'irai chercher dans le soleil les murs de ta maison. Nous bâtirons en pierre de soleil notre maison. Cet enfant qui sourira quand nous l'appellerons, elle aura ton nom, il aura ton nom. Mais si demain un vent mauvais tombait sur notre vie, si mes mains se déchiraient contre la nuit, j'y porterai la source bleue qui fait chanter le jour. J'entends déjà le premier cri de ce premier printemps. Je vois déjà naître des fruits plus beaux qu'avant. Et si demain le monde entier se cherche un feu de joie, notre amour.